Adèle, vous grondez sans savoir pourquoi. Moi, ce n'était pas ma mère. Oui, c'est la ville de la police, je vais partir.